MEV dans vos oreilles. Semaine 26. On est déjà le 10 décembre ? Oui. Hier, on est enfin. On est enfin, oui. Je te passe sur de ma liaison. On est enfin allé visiter le temple, le pavillon d'argent, puisque la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on était arrivé au moment où ça fermait. Parce qu'on n'avait pas vérifié les horaires. Donc là, on a enfin pu rentrer dedans. À Kyoto. Je ne sais pas si on a raconté qu'on était à Kyoto. Mais il se trouve que nous sommes à Kyoto. On est revenus à Kyoto. Kyoto-des. Et c'était très très beau. Ah ouais, magnifique. C'est vraiment un truc à faire. Je suis content qu'on l'ait fait là, parce qu'il n'y avait pas grand monde. Oui, c'est vrai qu'il y avait moins de monde du coup, je pense, parce que c'est moins touristique. Enfin, c'est la période où c'est l'hiver, là, ça commence à être un peu moins touristique. Et oui, c'est un jardin, il n'y a pas grand-chose à voir, mais en revanche, c'est hyper bien entretenu. Il y a de la mousse partout, des petites collines et tout ça. Enfin, c'est un grand jardin et pourtant, ça donne une impression de précision et de... Enfin, je pense que c'est le cas d'ailleurs, c'est très précis. Ah oui, oui. Et hyper, je trouve, apaisant, qui invite à la méditation toujours. Je sais pas, c'est... À part les gens, ça toujours, ça, c'est un peu compliqué. Non, mais ça va, les gens, il y a eu un groupe de dames, oui, japonaises en ça plus. T'a rendu en rire, oui. Ça m'a rendu grognon. C'était assez bruyante. Mais à part ça, ça va, quoi. Il y avait pas tant de monde, donc en fait, on se bousculait pas. Mais non, c'était hyper agréable, quoi. Il faisait beau. Parfait. Et aujourd'hui... Sur notre liste, on avait énormément de trucs à voir et en même temps, rien qu'on avait. Enfin, je veux dire, on avait envie de voir plein de choses, mais rien en particulier. Donc, on était contente de faire des choses, quoi. Du coup, on a sélectionné trois choses sur les trois jours qui nous restaient à Kyoto. Et voilà. Aujourd'hui, là, on sort du Daizen Inn, qui est un jardin zen, qui fait partie d'un monastère, un grand monastère. C'est un complexe énorme sur plusieurs hectares. Nicolas Bouvier aurait dit que c'était, ça ne pouvait pas rentrer dans le champ de Mars. C'est vraiment, pour cette balade un peu dans les allées, ça a l'air gigantesque. En plein cœur de la ville, alors un tout petit peu plus loin que les attractions de base de Kyoto. Mais pas si loin que ça au final, enfin, ça se fait assez vite. Et de là où on est, moins loin que le pavillon d'argent. Et en bus hyper accessible. Toujours. 4 bus qui y vont, donc ça c'est vachement pratique. On était bien content de l'avoir fait en bus. Parce qu'en fait, ils disaient une heure de marche, mais ça m'avait l'air bien, bien plus long que ça, puisqu'il y a quand même déjà 37 minutes de bus, donc bon, bref, c'est pas très grave. Et donc cette maison, avec ses jardins, on a appris énormément de choses sur le jardin japonais, les significations des arrangements. Oui, parce que si vous êtes comme nous, on se disait que c'était très joli, mais que c'était dans un but purement méditatif et ornemental. Alors qu'en fait, ça a plus de signification que ça, quand même. Ouais. Notamment là, tout le tour de la maison, ça représente un fleuve, la rivière, jusqu'à l'océan. C'est la vie, quoi. Bien sûr, voilà, on représente la vie. Et énormément de philosophie à travers des pierres, le gravier aussi, qui est ratissé chaque jour... pour vraiment le garder en état depuis la création de la maison qui date de 1500. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ça fait 600 ans que... 500. Ah oui, non, je t'avais douté aussi. Ça fait quand même 500 ans que du coup, il y a quelqu'un qui ratisse le gravier tous les jours pour qu'il soit exactement de la même forme que quand il a été créé. Enfin, ça paraît quand même dingue, non? Et les pierres, c'est des pierres bleues qui viennent de Shikoku. De la province de Tokushima. D'où nous arrivons. Et d'un point de vue architectural, c'était hyper important, cette maison, parce que, notamment sur le hall d'entrée, qui était nouveau, en fait, pour accueillir... C'est pas par là que nous, on n'est pas rentrés, mais voilà. Mais qui est le vrai hall d'entrée. Et puis, les fenêtres, enfin, les portes-fenêtres en papier de riz, coulissantes, c'est ici que ça a été... installé pour la première fois. Exactement. Fou, quand même. C'est quoi ton... Et c'est très très beau. Très calme. En plus, on était plutôt tranquille parce qu'en fait, c'est un endroit qui est pas sur le Lonely Planet, par exemple, donc qui est que sur le Routard, donc ça retire quand même une grosse partie de des touristes. Du coup, il y avait que des Français, peu de touristes qu'il y avait. Notamment un couple de Français. Non, mais enfin, c'est quand même insupportable. C'est-à-dire que le monsieur, quand tu lui achètes tes billets, il te fait lire, enfin, avant que tu achètes tes billets d'ailleurs, pour que ce soit bien clair, il te fait lire un petit papier en te disant que tu n'as pas le droit de prendre de photos, qu'il y a des caméras partout, qu'ils sont stricts là-dessus. Donc voilà. Il y a des petits symboles avec nos photos partout, et c'est pas très grand quand même. Donc, et il y en avait deux là qui se baladaient et qui prenaient des photos partout. Bon, qui se sont fait rattraper parce qu'en effet il y a des caméras et en effet ils surveillent, et donc du coup ils ont dû supprimer leurs photos une à une devant la dame. Moi j'aurais eu très très honte quand même. Ça aurait pas l'air de les perturber beaucoup. Non. Je vois pas trop qu'est-ce qu'il y a de mal au final. Enfin, tu vois, donc, Il y a une règle qu'on te demande de respecter. Non, tu rentres dans l'endroit. Oui, mais ça vaut pas pour tout quoi. Non, mais t'as une règle, t'es dans un pays qui n'est pas le tien, tu respectes la règle en question. Le seul moment où tu aurais à ne pas respecter la règle, s'il te demandait de tuer des petits enfants ou des petits chatons, tu vois. Ok, bon, là, tu décides de ne pas respecter les règles, je veux bien. Mais sinon, à un moment donné, c'est la moindre des choses. Tu vas quelque part, tu respectes les gens. Kyoto est connue pour être une ville où il y a énormément d'incivilité. Enfin, en tout cas, les Japonais sont assez agressés par les touristes qui commettent énormément d'incivilité. On avait notamment parlé du fait qu'il y avait des geishas qui s'étaient fait genre attraper pour prendre des photos. Je crois qu'on l'avait raconté quand on avait fait la visite. Des geishas qui s'étaient fait un peu alpaguer, notamment une qui était tombée, etc. Ça avait fait un énorme scandale à Kyoto. Parce qu'il ne faut pas les approcher et tout ça. Et en fait, je me rends compte que quand tu vois les gens, en effet, évoluer, il y a beaucoup de gens qui ne font pas attention. Enfin, tu vois, on te demande de rentrer un... Voilà, tu vas au Japon, tu sais que c'est strict, tu respectes les règles. Oui, oui, non, mais sinon, tu restes chez toi. Non, mais... Je suis d'accord sur l'histoire après des photos. Qu'on s'en fout du bien fondé ou pas du bien fondé de la règle, enfin, tu vois, c'est pas la question. Bon, en tout cas... Non, mais déchaînez-vous dans les commentaires, hein. Expliquez. Non, mais pour nous donner votre avis. Non, mais c'est... Je trouve ça fou. Oui, parce que je savais pas si c'était une question de propriété intellectuelle. Est-ce qu'il y a... Est-ce que c'est comme une œuvre artistique comme ça, ou est-ce que c'est juste d'un point de vue business pour pouvoir mieux vendre les cartes postales? Il n'y avait même pas de cartes postales. Enfin, des livres. Non, s'il y avait, mais il avait tout retiré. En fait, il y avait une grande table avec tout plein de trucs. Et vu qu'on est arrivé à la fin de la journée, ça a fermé derrière nous. On était tout seul. Oui. Et on a acheté un joli petit texte en japonais sur la gratitude. Le poème de la gratitude, oui, exactement. Non mais voilà, ça m'a empêché de me concentrer parce que en plus du fait que je sois comment dire énervée moi-même par le concept au plus profond de moi ça m'énerve. En plus du coup je suis touriste donc je me dis qu'est-ce qu'ils pensent de nous du coup en tant que touriste et tout. Encore plus ils sont français, je suis française, alors encore plus qu'est-ce qu'ils pensent des Français et du coup tu vois c'est de mauvaise image. Moi il y avait un truc qui m'embête, c'est un endroit hyper calme. Tu marches avec en chaussettes, quoi, sans tes chaussures, donc vraiment, t'as aucun bruit. Et le son des appareils photo, avec le petit bip et ensuite le schlack, le faux schlack, comme s'il y avait un obturateur dans les smartphones ou dans les petits appareils photo, je trouve ça insupportable, pour le coup. Bah, tu vois. Comme quoi on n'a pas la même notion, tu vois, le même rapport à l'insupportable. Du coup, il y a des fois je peux comprendre que ce soit d'un point de vue où les gens mettent souvent le flash avec leurs appareils photo, où ça fait du bruit, en effet. Et là, je peux comprendre que... Enfin, cette raison-là, je la comprends. Cette raison, et c'est peut-être pas. Cette raison-là. Parce qu'en effet, ça, je trouve ça assez chiant. Mais dans pas que là. Hein. Je trouve que ça, c'est les bruits des appareils... Le bruit d'appareils photo, des smartphones... Les gens avec leur rapport à la photo de façon générale. Oui, parce que là, on a observé un petit peu et hier au pavillon d'argent, les gens prennent des photos, ne regardent même pas ce qu'ils se prennent en photo et ils s'en vont. Je vais faire un petit moment un peu, je vais juger, mais c'est quelque chose que je ne comprends pas. Tu vas à un endroit, c'est pour, observer, t'imprégner, apprendre quelque chose, T'inspirer, je le dis. Non. et tu vois ces gens qui ne lâchent pas de leur écran, mais beaucoup, hein, mais des jeunes, des vieux. La majorité des gens qui prennent des photos font comme ça, c'est-à-dire qu'ils arrivent dans le lieu, ils prennent une photo vite fait cadrée, et puis ensuite ils passent à la prochaine, et en fait ce n'est que ça. Oui, mais alors moi ça m'impacte pas, c'est juste que je peux pas m'empêcher de me dire, mais gars, pourquoi tu viens là? C'est pour dire j'y étais et montrer à tes amis que tu y as été, et au final avoir rien retenu de ce que tu. D'ailleurs, il y a eu une. Je sais plus si on en avait parlé, mais il y a eu des études qui ont été faites sur des enfants où une prof qui donnait un appareil photo à des enfants dans un musée. Un groupe et un autre groupe sans appareil photo a demandé de regarder une œuvre, certains de prendre la photo, et ensuite ils ont discuté et ils se sont rendu compte que ceux qui avaient pris les photos étaient incapables de raconter ce qu'ils avaient vu. Mais ce qui est normal, quoi, en fait. Mais bien sûr. C'est pas... Mais le fait que les gens vivent à travers leur écran tout ce qu'ils font dans leur vie, et on est hyper connectés, donc c'est pas comme si genre on n'avait pas de smartphone et qu'on n'était pas tout le temps dessus et qu'on n'était pas tout le temps sur Instagram et tout ça, c'est le cas, enfin, tu vois. Mais en revanche, ça fait quand même un moment qu'on a arrêté de vivre à travers l'appareil photo de notre téléphone ou de notre caméra, quoi. Parce que justement, ok, tu vas au Japon 15 jours, t'auras pris 850 photos que tu ne regarderas pas, en plus, enfin, tu vois, pour l'avoir fait. On a plein d'endroits qu'on a visités, qu'on a pris des photos, et quasiment jamais j'ai rouvert le dossier en regardant les photos. Donc... Oui, non, mais je vois avec plein de photos, après tu fais des dossiers que tu emmagasines sur ton disque dur. En 800 fois en plus, parce que tu les copies d'un disque dur à une autre, d'une clé USB machin sur le cloud et tout. Enfin, je suis en train de un peu critiquer ce genre de comportement que moi-même j'ai fait, jusqu'à il n'y a pas très longtemps je pense. C'est juste que j'avais l'impression déjà de le faire de manière un peu raisonnée, mais quand je vois, des fois je retombe sur des dossiers de photos... que j'essaie d'en écrémer un peu, je me dis c'est vraiment j'ai dû passer du temps derrière l'appareil photo, quoi. Et puis après, bah, tu peux être aussi passionné de photo, à ce moment-là, j'ai pas l'impression que ce soit la majorité des gens, parce que tu peux faire de très belles photos avec des smartphones, mais quand tu vois la façon dont c'est fait, tu te dis c'est pas quelqu'un qui a cherché un angle, c'est de poser. Quand nous on prend des photos, on a appris à se dire bah là, ce moment-là, je veux le capter. Et sinon, je me dis bah non, je le garde dans ma mémoire, ce sera mieux. Puis de toute façon, j'arriverai pas à le rendre en photo dans tous les cas. Et puis si je veux montrer où est-ce que je suis allé, je vais sur Google Photos, quoi. On n'a pas compté le nombre de photos qu'on avait, parce qu'on s'était dit qu'on en prendrait peu, mais au final, on finit par en prendre quand même pas mal. Même si je pense qu'on doit être plutôt aux alentours de, on s'était dit peut-être 1000 photos, un truc comme ça, sur 6 mois, ce qui n'est pas non plus énorme. Quand je pas être très loin, ouais. Quand je lisais il y a 15 jours un couple qui était revenu de voyage de tour du monde comme ça et qui avait pris 24 000 photos après un premier tri sur 12 mois, 24 000 photos, ça me paraît juste. Enfin, c'est le tri d'une vie quand même, quand on y réfléchit, quoi. C'est pas assez d'une vie. Donc, bref. On essaie de trier. Déjà, voilà, avant de prendre la photo, on essaie de trier au moment où après on les met sur l'ordinateur. On les garde parfois pour pouvoir les comparer sur un plus grand écran et se dire lesquels on va garder, parce que parfois c'est pas toujours facile sur son téléphone, sur le petit écran de l'appareil photo. Mais on garde jamais deux fois la même photo, quoi, ou une qui se ressemble, quoi. Ou alors c'est quand on n'est pas d'accord sur laquelle on garde, ça nous arrive de garder. Ça arrive. Mais je trouve qu'on fait un effort là-dessus. Après, et puis il y a un autre truc, c'est qu'on ne met pas sur le cloud, on le met sur des supports physiques. Et ça, le cloud, malheureusement, c'est un truc qui est très très mauvais pour l'environnement. Cette pollution invisible, parce que c'est pas chez toi, parce que tu la vois pas, parce que tu t'en rends pas compte, enfin, clairement, elle est catastrophique, quoi. Enfin, quand je sais plus ce que c'est, mais je crois que c'est quoi, c'est l'humanité prend autant de photos qu'il stocke sur le cloud, genre je me souviens plus le rapport, mais genre en une journée par rapport aux 200 dernières années, quoi, ou en une minute sur les 200 dernières années, un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment énorme. Depuis la création de la photo, oui, il y a une statistique un peu comme ça qui fait... Tout ça qui est stocké sur le clone, enfin, tu vois. Oui, pas chez toi. Et c'est vrai que, vous vous demandez, est-ce que tu as besoin que ça soit sur un serveur ailleurs, ou juste avoir besoin, comme avant, tu mettais tes photos dans des boîtes à chaussures chez toi, quoi. Oui, après, s'il y a des photos auxquelles tu tiens particulièrement et que tu veux les surprotéger, voilà. Mais... Tu fais des copies. Enfin, tu vois, voilà, oui, au pire, nous, c'est ça, on a plusieurs clés USB et on sait qu'on a des sauvegardes au cas où, quoi. Mais... Au moins deux, quoi. Enfin, si tu veux, c'est normal. Enfin bon, bref, ouais. Petit débat philosophique sur la photo. Non, mais c'est... En fait, c'est juste que c'est symptomatique de la... Je trouve... Du monde, quoi, globalement. C'est... Ça peut paraître un détail, mais... C'est... Un des symptômes. Voilà. Et donc, du coup... Bah, c'est toujours ce problème de tu vis pas dans l'instant présent, quoi. Mais c'est vrai que pour l'expérimenter personnellement, de vraiment prendre le temps et de... Voilà, il y a quelque chose qui te plaît, tu prends le temps de bien l'observer. Je sais pas, ça... Ça te fait réfléchir à plein de choses, c'est très inspirant. C'est plus nourrissant, en effet, que d'appuyer sur un bouton, quoi. Bah ouais, ouais. Et surtout qu'en plus, soyons honnêtes, la majorité des gens qui prennent des photos sont pas non plus des photographes, et donc du coup les photos sont pas non plus, tu vois, c'est de l'art, mais ça va pas changer la face du monde, quoi. Oui, non, mais c'est des photos de souvenirs, comme quand on achetait des appareils photo jetables. Hein. Oui, mais comme tu l'as payé très très cher et que c'était long à développer ta photo, tu n'en prenais pas 850 des photos en photo de voyage. C'est toute la différence. C'est vrai. Là, t'en prends 8 parce que du coup, tu sais pas, tu vois, tu peux en prendre 8. L'autre, t'en prenais une, et à la limite, si tu pensais que tu l'avais loupé, t'en prenais une deuxième, ça s'arrêtait là, quoi. Puis en plus, ils mettent de plus en plus au point des smartphones avec des optiques et des capteurs qui sont toujours mieux, donc en fait, font des très belles photos. Et donc, ça incite encore plus les gens acheter ça, tu vois, pour faire des jolies photos. Bon, ça peut se comprendre aussi. Tu te dis, entre une photo un peu pourrie et puis une jolie photo, quand tu fais des photos de famille, bah, c'est sympa d'avoir des jolies photos. C'est un peu humain, quand même. Ce qu'il faut juste, c'est pas... Je sais pas, en prendre à tout bout de champ, quoi, je pense. Bon, voilà, hein. C'est vrai que... Tout dépend des personnes, du but derrière tout ça, quoi. On peut pas... C'est difficile de juger là-dessus, en fait. Je partais juste d'une observation qui m'étonne beaucoup, et voilà, mais j'aime pas, moi, en fait, juger comme ça. C'est joli, hein. Mais on juge personne en particulier, c'est juste un comportement qui... Bah, en fait, c'est du jugement sans être... C'est pas du jugement gratuit, c'est-à-dire que c'est ni bon pour la personne qui prend les photos, parce qu'en effet, elle s'imprègne pas du moment et tout ça, ni bon pour la planète, parce qu'il y a un problème environnemental. Enfin, c'est pas un jugement gratuit du genre « toi t'es moche, toi t'es beau », tu vois. Enfin, on est quand même sur un truc un peu plus fondé, comme jugement. Oui, ça. Le truc, c'est qu'on n'est pas non plus parfait, donc... Oui, on ne le répétera pas jamais assez, hein. Nous ne sommes clairement pas parfaits. Il y a un moine. Hier, par exemple, j'ai dû aller acheter un casque, avant-hier. Un casque audio. Oui, un casque audio, parce que casque de chantier. Mes écouteurs Bose ont encore rendu l'âme. Donc ça commence à bien faire, cette histoire. Sachez-le, les écouteurs intra-auriculaires, quiet, machin, je sais pas quoi, la noise cancelling et tout ça, le câble est hyper hyper fragile, enfin, je fais pas n'importe quoi avec quand même, en plus je le range, sa petite housse et tout ça, bon, bref. Il avait pété une première fois, j'avais dû le changer, il me l'avait remboursé, enfin il me l'avait changé gratuitement, et là au bout de 2 ans, ça y est, il est remort. Obsolescence programmée. Bonjour. Et donc j'ai dû acheter un casque, alors je voulais idéalement, enfin j'avais des caractéristiques techniques, et en plus de ça, je voulais quelque chose que dont je puisse changer le câble justement quand il s'abîme, et si aussi fabriqué au Japon, pour que ce soit... au moins fabriqué dans des conditions éthiques. Et local. Oui, et local. Mais bon, ça, à la limite, si ça avait été fabriqué en France alors que j'achète au Japon, je m'en serais remise, quoi. C'était juste pour éviter que ce soit fait par des petits-enfants chinois ou bangladais ou je ne sais quoi. Enfin, en l'occurrence, ces trucs électroniques, c'est plutôt chinois. Mais... Et ben, en fait, je ne l'ai pas trouvé. C'est-à-dire que je n'ai pas trouvé... Et c'était même pas une question d'argent. C'est-à-dire que j'étais prête à mettre un prix indécent. Enfin, indécent, on s'entend, mais... J'étais prête à mettre le prix pour avoir quelque chose qui soit fabriqué au Japon. Et ben, je n'ai pas trouvé quelque chose qui répondait à mes critères. Bah... Malheureusement, j'ai privilégié les critères qui étaient, les plus importants. Et bah, du coup, il est fabriqué en Chine, mon truc, quoi. Donc j'ai un peu dégoûté, mais bon, en même temps, tu es dans la gratitude. Oui, de ces petits enfants chinois qui vont mourir à cause de moi. Je suis dans la très très grande gratitude. Attends, on a déjà dit made in China ne veut pas forcément dire conditions pas éthiques. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Comme c'est un peu. Bah voilà. Si, y a on ne sait pas. Plus de probabilité. Et du coup, si tu n'as pas de label qui te prouve qu'a priori c'est fabriqué de façon éthique, ou en non, tout cas socialement. Ah ouais, je sais. C'est designé en Roumanie, quoi. Ah, c'est une marque roumaine. Ouais, je sais pas ce que je dois conclure de ça d'ailleurs, mais c'est comme ça quoi. Enfin, bon, c'était... Ouais. Et en l'occurrence, c'est pas comme si je pouvais trop me passer de ça parce que. Bah, parce que mon micro de mon téléphone ne fonctionne pas et comme j'ai des appels professionnels à passer sur régulièrement, j'ai quand même besoin d'avoir un truc où je puisse téléphoner quoi. Enfin, donc, c'est mieux. C'est pas un gadget, c'est juste que j'en ai besoin. Oui, c'était pas un caprice. Voilà. Donc en effet, nous ne sommes pas parfaits. Voilà. Et on a dû aussi acheter un chargeur pour les piles, qui ne fonctionnait plus. Je sais pas si c'est parce qu'il y a un problème de compatibilité avec l'adaptateur au Japon. Mais bon, je préfère acheter un chargeur pour recharger les piles rechargeables que d'acheter des piles non rechargeables. Ça durera un petit peu plus dans le temps. Parce qu'on a besoin pour le micro, pour que vous nous écoutiez. C'est pas facile, hein, tout ça. Tous ces problèmes de gens trop connectés technologiquement. Oui, trop électronisés. Mm. Ben voilà, là on va rentrer chez nous. Tranquillou. Ouais. Puis Ah, du coup, on est venu un peu tard, donc on va pas pouvoir trop se balader dans le... Et ce soir, il y a une lune à partir de minuit. Il y a un événement de lune... Ah, et puis t'as pas dit qu'on a mangé de la viande, là. Oh putain, ça fait eu. C'est insupportable. On a beau essayer partout, ou alors on est pas doué, enfin vraiment. Mais on va dans un restaurant. Mais on s'est pas dit que le curry. Mais moi j'avais même pas vu que c'était un truc au curry en fait. On n'a pas bien compris. Alors du coup, en plus moi j'ai précisé que les brochettes je les voulais bien, genre pas la viande, donc j'ai payé plus cher pour avoir des trucs aux légumes et tout. C'est toujours ça pour moi. Mais bien sûr. Mais au final on se retrouve avec un plat où il y a du poulet dans notre sauce. Ouais, genre le espèce de plat, enfin bon curry bien épais, c'est un peu bien plat en sauce quoi. Bon, échec. Comme très souvent, globalement, c'est compliqué le Japon. Ouais. Pour ça. Bon allez, on va arrêter là. Hein. Avec le carnage, on va se balader. C'est magnifique, vraiment tout ce temps. Ah oui, c'est beau, c'est pour ça que j'aimerais un peu en profiter. Bah ferme ta gueule. Je peux couper ? On est le 11 décembre 2019. Nous sommes donc à Midori Farm. C'est Chuck qui nous accompagne et qui nous présente toute sa ferme. Donc on essaiera de faire un podcast là-dessus en anglais, puis on essaiera de faire avec une petite traduction où on fera juste soit par-dessus, soit à part. Je ne sais pas encore. Ouais, faut qu'on voit le matériel qu'on a. En tout cas, c'est hyper intéressant pour l'instant. Et donc, on va visiter la ferme numéro 2. On a vu la parcelle, quoi. Ouais. Non, c'est pas ça. Ouais. Ferme 1, on l'a faite. C'est parcelle numéro 2. Et ensuite, il y aura la 3 après. C'est parti. Let's go. Allez, on va voir, tu vois. On peut débriefer peut-être un peu sur Midori Farm. Ah oui, on n'a pas dit grand-chose, même, d'ailleurs. Ah oui, on l'a laissé parler. Bah, c'était hyper intéressant. Ouais. On a appris beaucoup de choses, il était hyper... Pédagogue ? Ouais, pédagogue. Non, c'est pas ça que tu veux dire ? Oui, parce qu'il est habitué à faire visiter sa ferme. Qui ça se voit, enfin, dans son discours, tu vois, c'est clair, c'est structuré. C'est plutôt agréable. Ouais. Et à écouter et à enregistrer. Et super sympa. Et du coup, on a pu faire à la fin une petite scène où il va livrer chez quelqu'un. Il est tout organisé pour que ce soit hyper bien. Mais ouais. Surtout que je pense qu'il était à la bourre, parce que c'est l'anniversaire de son fils, qui était malade en plus. Et voilà. Mais c'était trop chouette. À la fin de la journée, dans la voiture, je n'arrivais pas à tenir, je dormais. Toi, tu t'es endormi comme une masse. J'aurais été dire comme une merde, si c'était vraiment le cas. On s'est élevé tout. En plus, tu vois, on a parlé. En anglais, beaucoup. C'est fatigant hein, de faire ça. Il faisait froid, quand même, sur place. Ouais. Bref, des conditions idéales pour être fatigué. C'est dommage, bon, sa ferme elle est pas rentable actuellement, et du coup bah, il fait ça vraiment parce qu'il veut que ça devienne quelque chose, pas un modèle, mais que ça puisse inspirer quand même d'autres personnes. Et que lui ça le passionne à faire aussi, j'ai l'impression. Oui, il est passionné. Donc c'est bien sûr c'est de la culture biologique, il utilise que des produits naturels en tant que pesticide, enfin juste seulement deux. Il y a l'huile de Nîmes, je crois. Mais du coup, nous déjà, on a appris plein de choses sur la pousse de pas mal de légumes. Ouais, c'est cool. C'est vrai que tu sors de là, t'as quand même envie clairement d'avoir un petit bout de jardin et de faire pousser des brocolis, quoi. Surtout, t'as juste envie que ce que tu bouffes, ça provienne de cultures comme ça, parce que ils sont magnifiques en plus les plants et tout. Ouais. Tu vois, c'est pas, bah c'est ils sont, oui, c'est pas des trucs pas sexy quoi, au final. Mais alors, ce qui est un peu triste du coup, je trouve, c'est que comme c'est pas rentable, et ben il consomme pas les produits de sa ferme quoi. Il est obligé de les vendre pour pouvoir en tirer un bénéfice. Et je trouve ça, enfin, dommage pour lui. De mettre autant d'énergie dedans et de même pas pouvoir. Ouais, après il vit pas non plus dedans. En fait. Mais bon. Il pourrait quand même pouvoir manger ses produits bio quoi. Ah oui, c'est sûr. Cultiver avec amour. Mais il a un programme de volontariat. Donc il y a des gens qui viennent pour. Il disait quoi, c'est minimum 15 jours. En jusqu'à général, 3 mois. Ouais, il dit que c'est en général vers un mois, quoi. Personne n'est resté plus de 3 mois. Et surtout, on s'est rendu compte que l'hiver, il pousse plein de trucs, en fait. Ouais. Enfin, l'hiver, avant qu'il se mette à neiger. Mais il y a plein de régions où il neige pas, quoi, en France. Donc, au final, oui. Tu peux cultiver plein de trucs, quoi. Là, il faisait froid et ça poussait bien, hein. Les choux, les radis, les navets, brocolis, bon, il y a plein de variétés, en plus il en a vraiment, ouais, plein de variétés différentes. Et ce qui est marrant, parce qu'on n'a pas ce problème chez nous, mais ce qui saccage les champs, bah, ce sont les singes. Parce qu'ils sont filous. Ouais, et que c'est une vraie plaie quand même pour les fermiers, agriculteurs. Au Japon, quoi. C'est fou de se dire qu'ils sont obligés de mettre en place, de mettre des clôtures électriques, des trucs comme ça. Parce que sinon, tout est ravagé. Ouais. Voilà. Le 12 décembre, nous avons visité la villa Katsura à Kyoto. Et ben, c'était super beau, des très beaux jardins. Des belles couleurs d'automne. C'est visite guidée en anglais, mais avec un fascicule assez complet en français. Avant, c'était gratuit. D'ailleurs, dans le routard, c'est indiqué que c'est gratuit. Ça l'est plus, et c'est assez cher. Enfin, c'est pas donné. Mais en même temps, c'est un endroit assez protégé, qu'il faut maintenir. Et c'est vrai que la visite est quand même intéressante. Elle explique pas mal de trucs qu'on n'avait pas compris jusqu'à maintenant. Enfin, vous savez pas trop comment ça marchait, les trucs de maison d'hôtel ? Non. Maison d'hôtel ? Oui. Ouais. Comme on lit souvent en anglais, je savais pas si c'était maison, le mot approprié. Et ouais, c'était très chouette. En plus, on était que 5. Normalement, c'est des groupes de genre jusqu'à 20 personnes et nous, on était que 5. Donc on était vraiment... Ouais, et puis on pouvait prendre notre temps. D'ailleurs, elle prenait vraiment beaucoup son temps pour qu'on ait le temps de prendre des photos et tout. Enfin, nous, on n'a pas trop pris. Non, mais même juste pour contempler. Et voilà, c'était déjà pas mal. Enfin, tu peux méditer. C'est un endroit très, très chouette. Ensuite, nous avons pris le train puis le bus pour Kamaguchiko. Direction... pied du mont Fuji. Le Fuji-san et non pas le Fuji-yama. C'est une erreur de dire Fuji-yama. Si tu veux rendre les Japonais grognons, tu peux dire Fuji-yama, mais... Non, mais j'ai pas envie de les rendre grognons, ils sont gentils avec nous. Et quand nous sommes arrivés, On a vu un peu le monde sur la route, mais le soleil était en train de se coucher. Je vais me mettre là pour pas avoir le vent. On a vu le soleil se coucher, presque sur le mont. Et quand nous sommes arrivés, il faisait nuit. Il y avait une pleine lune, très très lumineuse, qui éclairait le mont. Mais aussi, on a cru voir quand même. On a pas cru voir, on a vu quelque chose. C'est sûr. Une météorite. Ta-na-ta-na-ta-na. Parce que la nuit d'avant, il était censé y avoir un mélange de une pleine lune et ce qui est appelé lune froide, il me semble, si je dis pas de bêtises. Parce que c'était dans la nuit la plus courte, qui est combinée à la pleine lune. Et il y avait aussi, c'était indépendamment, mais il y avait des poussières de météores qui devaient passer à ce moment-là dans l'atmosphère. À un moment donné, toi, t'as vu quelque chose de presque en flamme, en fait, dans le ciel. Moi, j'ai eu juste le temps de voir la fin de quelque chose qui tombait, quoi. Et on ne sait pas quelle distance c'était, si c'était loin, si c'était près. C'était vraiment deux grosses traînées rouges, quoi. Enfin, c'était pas juste des traînées blanches comme une toile filante. C'était vraiment très visible. Voilà. Donc, il y a peut-être un petit caillou extraterrestre qui s'est déposé quelque part. Peut-être qu'on va tous mourir attaqués par des aliens. Contamination. Tu regardes beaucoup trop de science-fiction, toi. On sait pas ce qui peut se passer avec ces choses-là. Voilà. Donc ça, c'était... Wrap it up. Wrap it up. Wrap it up.